Où iras-tu s'il fait beau? Plage. S'il fait beau, j'irai à la plage. 1. Où iras-tu s'il pleut? Cinéma. S'il pleut, j'irai au cinéma. 2. Que mangeras-tu si tu as faim? Pâtes. Si j'ai faim, je mangerai des pâtes. 3. Que mettras-tu si tu sors? Mon imper. Si je sors, je mettrai mon imper. 4. Qui appelleras-tu si tu as un problème? Papa. Si j'ai un problème, j'appellerai papa.